Question relative au hymen et réfutation des Murji'a. Les fausses croyances des Murji'a. 1. Croire que le hymen est l'affirmation du cœur uniquement, tasdiq, ce qui veut dire qu'il suffit uniquement à une personne d'affirmer l'existence d'Allah, son tawhid, le message de ses messagers et les sujets qui y sont reliés dans son cœur. Parmi les adhérents à cette croyance, il y en a qui incluent les actes du cœur. C'est la majorité des Murji'a. Et il y a aussi ceux qui n'incluent pas les actes du cœur dans la définition du hymen. Et c'est le point de vue de Jahm ibn Safwan et de ses suiveurs. La position des Jahmi type de Murji'a, qui n'incluent pas les actes du cœur dans la définition de hymen, est aussi décrite comme ma'rifa, ce qui signifie la connaissance uniquement. Ce qui est sous-entendu ici est qu'une personne n'a besoin uniquement que d'avoir la connaissance d'Allah, de son messager, etc., pour être considérée croyante. 2. Croire que le hymen est la proclamation de la langue uniquement. C'est le point de vue des Karamiyya. 3. Croire que le hymen est l'affirmation du cœur et la proclamation de la langue uniquement. Quelques preuves sur cela. La parole de Sheikh al-Islam dans Kitab al-Iman. Les Murji'a étaient de trois catégories. La première était ceux qui pensent que le hymen est simplement ce qui est dans le cœur. La plupart d'entre eux croient que les actions du cœur contribuent au hymen, comme cela est indiqué dans le livre de Abul Hassan al-Ash'ari. Il a aussi mentionné beaucoup d'autres sectes, et les lister seraient trop longs. Bien que l'auteur dit qu'il ait mentionné beaucoup de leurs paroles. Ce point de vue n'inclut pas les actions, comme étant une partie du hymen. C'était l'opinion de Jahm et de ceux qui l'ont suivi, tels que As-Salihi, qui, aux côtés de ses suiveurs, étaient de grands supporters de cet homme, Jahm. La seconde catégorie dit que le hymen est une simple prononciation de la langue. Cette position n'était pas connue avant les opinions de la secte Karamiyya. La troisième catégorie dit que le hymen est tasdiq, consentement du cœur et parole de la langue. C'était la position la plus connue parmi eux. En fait, c'était la croyance dominante parmi les juristes et les adorateurs des Murji'a. Et la parole de l'imam al-Waqi' ibn Jarrah al-Rawsi, qui a dit « Les Ahl Sunnah sont ceux qui disent que le hymen consiste en la parole et l'action. Les Murji'a disent que le hymen est la parole seulement. Et les Jahmiya disent que le hymen est la connaissance, ma'arifa. » Rapporté par l'Alika'i dans Al-Sunnah 1837 et Al-Ajurri dans Al-Sharia numéro 342. En se basant sur ces fausses suppositions, on peut comprendre le point de vue de ces sectes égarées en ce qui concerne les nombreuses questions relatives au hymen. Certaines fausses croyances survenues de ces suppositions incluent que le hymen est constant, il ne peut augmenter ou diminuer. Ce qui s'ensuit naturellement du point ci-dessus, que le hymen de tout ce qui fait partie de l'obéissance à Allah, les anges, les prophètes et les musulmans en général, sont égaux. Que les péchés ne peuvent heurter le hymen et ne peuvent le diminuer. Qu'une personne doit être certaine qu'elle soit une parfaite croyante, complète et parfaite dans son hymen. Que les plus mauvais des mécréants et des rejeteurs peuvent être considérés comme des croyants, tels que Iblis, Pharaon et d'autres. Que les hypocrites sont considérés comme de parfaits croyants en raison de la simple prononciation de leur langue. L'imam établisseur de la Sunna, Abul Qasim al-Asbahani, a dit en explication des croyances des Ahl Sunna concernant les questions du hymen. Le hymen, dans le sens législatif, c'est-à-dire usage sharia, est un terme qui signifie tous les actes d'obéissance, à la fois internes et externes. Les Ash'ari disent que le hymen est le consentement, tasdiq, que les actes s'en suivent, mais ne font pas partie du hymen lui-même. L'intérêt de l'existence de cette différence est que la personne qui est dépourvue d'action et qui commet les actes interdits n'aura pas le nom de croyante appliqué sur elle dans l'absolu. Et nous disons qu'elle a un manque dans la foi, puisqu'elle en a négligé une partie. Et dans leur point de vue, c'est-à-dire les Ash'ari, le nom de croyant peut être appliqué sur une personne dans l'absolu, car selon eux, le hymen signifie le consentement, tasdiq, et une telle personne a rempli cela. Notre preuve en est la parole de l'exalté. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu. Surat Anfal, verset 2. Jusqu'à la parole. Ceux-là sont en vérité les croyants. Surat 8, verset 4. Il les a donc décrits avec le vrai hymen en raison de la présence de ses actes. Et le Très-Haut a dit, « Et ce n'est pas Dieu qui vous fera perdre la récompense de votre foi. » Sourate 2, verset 143. Ce qui signifie « votre prière ». Il a donc appliqué le terme « hymen » à la prière. Pourtant, c'est un acte. Et comme preuve également, il y a ce qui est rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit, « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le iman comporte 70 et quelques branches, et dans une autre narration, 60 et quelques branches. La plus haute d'entre elles est la déclaration qu'il n'y a personne digne d'être adoré excepté Allah. Et la plus petite d'entre elles consiste à enlever du chemin quelque chose de dangereux. Et la modestie, la pudeur, est une branche du iman. Et celui qui est constant dans l'iman, son entrée dans l'iman est correcte et acceptable. Car si l'iman était quelque chose unique du cœur, seul son entrée dans l'iman n'aurait pas été correcte, puisque ce n'est pas possible avec la contrainte. Et celui qui est contraint dans l'iman, son entrée dans l'iman est correcte et acceptable. Car si l'iman était quelque chose unique du cœur seul, son entrée dans l'iman n'aurait pas été correcte, puisque ce n'est pas possible avec la contrainte. Augmentation et diminution du iman. Il augmente avec l'accomplissement des actes d'obéissance et diminue en abandonnant ses actes et en faisant des actes de désobéissance. Ceci est contraire à ceux qui disent que le iman est simplement la connaissance du cœur et son consentement, et que ces deux choses sont indicatives, et aussi que l'augmentation et la diminution du iman ne peut avoir lieu dans le cas des sujets indicatifs. Et on rapporte de Ibn Abbas, Abu Hurayra et Abu Darda, qu'Allah soit satisfait d'eux. Le iman augmente et diminue. Ainsi donc, lorsqu'une personne en néglige certains et accomplisse les actes interdits, alors elle a négligé certains actes du iman. De là, il est permis de décrire le iman avec l'augmentation et la diminution. Le iman des mukallifin est-il égal? Le iman des anges, des prophètes et de ceux qui sont à leur côté, tels que les martyrs et les véridiques, n'est pas égal. Il excelle l'autre selon leur degré d'accomplissement des actes d'obéissance. Ceci est contraire à ce que pensent ceux qui disent que le iman est le consentement, tasdir du cœur, et la supériorité a lieu uniquement en ce qui concerne la connaissance et la variété dans ses preuves. Et nous avons déjà mentionné que les actes d'obéissance viennent du iman. Il est connu que les gens excellent l'un de l'autre dans les actes d'obéissance. Certains augmentent par rapport aux autres. Il est donc nécessaire que la supériorité soit acquise concernant cela. La différence entre islam et iman. El-iman et el-islam sont deux termes qui se réfèrent à deux sens distincts. L'islam est un terme qui se réfère aux deux shahada, attestation de foi, et au consentement, tasdiq du cœur. Et le iman est un terme qui signifie tous les actes d'obéissance. Ceci est contraire à ce que pensent ceux qui disent que l'islam et le iman sont pareils. Et la preuve de la différence entre les deux termes est la parole du Très-Haut, les musulmans et les musulmanes, croyants et croyantes. Sourate 33, verset 35. Il a placé le iman après l'islam, ce qui signifie que le iman a un sens qui prolonge celui de l'islam. Pour preuve, le hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, et la parole de Jibril, alayhi salam, parle-moi de l'islam. Et ensuite il dit, parle-moi du iman. Donc ceci est une preuve de la séparation dans le sens entre les deux. Ce qui est à rapporter de Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas de Sa'd, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est aussi une preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné quelque chose à un groupe d'hommes, mais en a laissé un. Sa'd lui a demandé, tu leur as donné à eux et tu as laissé celui-là? Par Allah, je le considère comme un croyant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ou un musulman. Il a donc fait une différence entre l'islam et le iman. Et nous avons déjà mentionné que le iman est un terme qui signifie tous les actes d'obéissance et que l'islam est un terme qui signifie les deux attestations avec la facilité du cœur, c'est-à-dire son acceptation. Donc lorsque c'est comme cela, il est obligatoire de faire la différence entre eux. S'exempter d'avoir un iman parfait, istitna. Et il est détesté pour celui qui a acquis le iman de dire « Je suis un croyant dans la vérité » ou « Je suis un vrai croyant aux yeux d'Allah ». Il devrait plutôt dire « J'espère être un croyant » ou « Je suis un croyant si Allah le veut » ou bien « Je crois en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers ». Et aucun de cela n'est de l'angle de doute dans le iman. Mais cela fait partie de l'aspect dont on ne peut être absolument sûr d'avoir rempli chaque chose avec ce qui a été ordonné et d'avoir laissé tout ce qui a été interdit. Ceci est contraire à ceux qui pensent, ceux qui disent que lorsqu'une personne sait de lui-même qu'il est croyant, qui lui est permis de dire « Je suis un croyant du haqq, de la vérité ». Et la preuve de l'impossibilité de faire une prétention absolue du parfait iman et la nécessité de faire l'exception, istitna, et le consensus ijma des salafs. On a dit à Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, cette personne dit que c'est un croyant. Il a répondu « Demande-lui s'il est dans le paradis ou dans l'enfer ». Ils lui ont donc demandé et il a répondu « Allah sait mieux ». Alors, Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, Si seulement tu avais donné l'affaire de cette vie comme tu as donné l'affaire de l'au-delà à Allah. En raison du fait que le iman est caractérisé par tous les actes d'obéissance et par l'abandonnement des choses interdites. Alors, dans cette situation, une personne ne peut pas être résolue qu'il ait rempli tout ce qui est obligatoire sur lui et qu'il ait évité tout ce qui lui a été interdit. De là, il ne lui est pas possible de savoir s'il est un croyant qui mérite la récompense.